Alors, entre Il faut tuer José Bové, premier album de Jules, et La croisade s'amuse, second album de Jules, il n'y a pas vraiment de personnage récurrent. Cependant, il y a un personnage qu'on retrouve d'un album à l'autre. Il fait un passage éclair, mais quand même, c'est Michael Moore. Il est agréable à dessiner, Michael Moore. Michael Moore, c'est un personnage fantastique, mais à vrai dire, j'ose pas le prendre comme personnage principal. Mais bon, il est marrant parce qu'il a toujours ses attributs. Enfin, c'est un peu un genre de José Bové américain, puisque physiquement, on le reconnaît. En fait, n'importe quel acteur qu'on déguiserait en Michael Moore serait Michael Moore. De même que n'importe quel acteur qu'on déguiserait en José Bové avec une moustache, une pipe, on dirait que c'est José Bové, même si c'est quelqu'un qui lui ressemble pas. Et le personnage de Michael Moore dans Il faut tuer José Bové, il disait pas un seul mot, mais il hantait les forums altermondialistes et en fait il bouffait tout ce qui se trouvait sur son passage. Et puis il avait pillé, notamment il y avait une réserve de Roquefort bio qui avait été emportée pour le banquet en l'honneur des apatistes, et puis il avait tout bouffé, donc c'était un problème. Puis là c'est un petit peu pareil, il propose de faire, parce qu'il y a des activistes américains évidemment, parce que ça se passe du côté de l'axe du mal, de l'axe du bien, il y a des gens qui protestent et contre la guerre, et des activistes américains, il y en a qui proposent, voilà, on pourrait faire une minute de silence. D'autres qui disent on pourrait faire une grève de la faim. Puis en fait l'idée de Michael Moore c'est de faire une minute de grève de la faim en guise de protestation. Sachant que pendant ce temps il s'est assis sur Woody Allen. Voilà, parce que c'est un sit-in sur la pelouse de la Maison Blanche. Et puis on cherche Woody Allen depuis des heures pour l'interviewer, personne ne sait. Puis à un moment on entend une espèce de petit gémissement. Puis on se rend compte que Michael Moore s'est assis sur Woody Allen et puis il est tout plat comme ça. Puis quand il se lève, il y a Woody Allen qui demande juste « Call my analyst ». Et parmi tous ces personnages, qu'il s'agisse de Condoleezza Rice, George Bush, Michael Moore, José Bové, quel est le plus agréable ou le plus jubilatoire à dessiner pour vous, s'il en est un? Ça dépend des jours, mais à vrai dire, il y a un personnage qui me hante depuis longtemps et que j'ai mis en scène là, c'est Madame Ben Laden, parce qu'il y a cette espèce de burqa, c'est vraiment un dessin minimaliste à faire, juste quelques lignes, pas du tout grille. De forme, et une grille comme ça en forme de toaster de plus ou moins la gaufre en guise de visage. Mais il y a plein de variations à faire là-dessus, justement, parce que le Gary Alfayette, par exemple, propose des burqas fantasy avec des grilles en forme de fleurs, en forme de cœur, et donc voilà, parce qu'à la fois c'est une vision anxiogène, on connaît toutes les photos justement de monde taliban. Ça vous soulage de dessiner ça. Mais oui, évidemment, parce que en plus, je pense que j'ai un petit fond claustrophobe et d'imaginer la vie là-dessous, ça m'empêche de d'étouffer parfois. Alors revenons au personnage principal du premier album. My name is José Bové. I'm farmer. I'm coming from the south of France. I'm also a unionist. I'm working in Confédération paysanne. Moi, je serais plutôt un adepte de Brassens, qui serait de dire que je préfère les morts lentes aux morts rapides, et qu'il n'y a aucune cause qui mérite de mourir, parce qu'on ne se bat pas pour le sacrifice et pour la mort, on se bat pour donner une envie de vivre aux gens et de vivre dans une société meilleure. La voix de José Bové, donc, c'était dans l'émission de Jean Lebrun, Travaux publics sur France Culture. Et alors, je voulais qu'on reparle de cet album-là précisément, parce que vous les avez appelé ça de l'alter BD, mais c'est une opération marketing que vous faites en disant alter BD. Ah oui, c'était pas mal, mais à vrai dire, enfin, il y a toujours un genre de mise en abîme. Avec, comme pour le Da Vinci Digicode, quoi, d'une certaine façon. Il faut que j'arrête de dire d'une certaine façon. Tout le monde me critique à cause de ces espèces de tics de langage. Bon, je vais faire des efforts. Vous allez au club. Je vous tire, allez-y. Voilà. Et donc, comme le Da Vinci Digicode parasite, cette espèce de parasitisme qui est déjà cette littérature formatée, commerciale, là encore une fois, dire alter BD, c'était se moquer de ces slogans finalement vendeurs dont on essayait d'enrober des idées importantes que peut véhiculer l'altermondialisme. Et bon, on avait dit alter BD, c'était un clin d'œil avec les slogans altermondialistes, mais ça voulait dire aussi quelque chose malgré tout, en dehors de cette petite blague, c'était pour mettre en avant quelque chose qui se développe en ce moment de manière intéressante, je trouve, c'est ce lien entre le dessin de presse et la bande dessinée. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Un des grands initiateurs de ça, c'était Pétillon avec l'Enquête Corse, parce qu'il mélangeait justement son travail de dessinateur au Canard Enchaîné et son travail de dessinateur de BD, où il y a une narration, où il se passe vraiment quelque chose au long cours sur un album, mais avec cette espèce d'efficacité, de gag et de lien à l'actualité qui fait sa force. Et puis, bon, il y a pas mal de dessinateurs de Charlie Hebdo qui se lancent dans ce genre de chemin-là. Il y a Luz qui fait des bandes dessinées aussi, en intégrant son travail sur l'actu musical, entre autres. Bon, et voilà. Et cette tendance-là, moi, je la trouve intéressante. Et les passerelles peuvent être d'ailleurs dans l'autre sens, puisqu'il y a de plus en plus de dessinateurs de bandes dessinées qui travaillent dans la presse. Je pense à Riyad Satouf, je pense... Et dans Charlie Hebdo aussi. Bah voilà, il y a d'autres dessinateurs qui font ça. Et c'est bien que ça se décloisonne. Et ça veut... C'est emblématique de la vie de la BD aujourd'hui. Pourtant, c'est pas le même travail, parce que dans un dessin de presse, il faut être extrêmement... bon, déjà, il y a une urgence. Il faut être extrêmement synthétique, efficace, en quelques traits, comme ça, raconter un moment d'actualité. Il y a un côté arme de destruction massive du dessin, du gag de dessin de presse. Et il y a un côté un petit peu plus opération stratégique d'envergure dans une bande dessinée. Mais on peut mélanger ça. Justement, finalement, l'apparition de plein de petits gags à droite à gauche dans les cases, ça relève d'une logique de dessin de presse. Par contre, la mise en place des rapports entre les personnages, et on va se rendre compte que finalement, le choc des civilisations n'est qu'une histoire d'Oedipe mal résolue, parce qu'il y a des liens familiaux troubles entre l'axe du bien et l'axe du mal que je ne vais pas révéler. Nous n'allons pas révéler maintenant, oui. Voilà, ça pouvait se raconter uniquement sur un album de 56 pages. Mais quand vous parlez, comme on revient un peu sur la question des détails, Pétillon raconte que quand il dessine Chirac, par exemple, dans Le Canard Enchaîné, il dit toujours qu'il a un décapsuleur dans la poche. On ne voit pas le décapsuleur, évidemment. Mais pour lui, en tant que dessinateur, c'est important de le savoir. Alors vous, par exemple, comme Madame Ben Laden est le personnage principal de la croisade s'amuse, à quoi ressemble Madame Ben Laden sous sa burqa? À un moment, j'ai pensé faire une scène finale de révélation, justement, où elle enlèverait sa burqa et il y aurait quelque chose. Et finalement, toutes les révélations étaient, je dirais, moins fortes que ce qu'on pouvait placer avec l'imagination sous cette burqa. Donc finalement, je pense que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt... amateur de l'ambiguïté, du non-dit, de façon générale. Donc je pense que ça fonctionne aussi pour des personnages comme ça qu'on ne dévoile pas en bande dessinée. Je pense que le dévoilement, il y a une vraie tendance au dévoilement, un peu à l'obscénité, à l'intimité déballée de façon générale dans les médias et dans comme une tendance lourde de notre société. Donc finalement, les choses cachées, c'est excitant aussi. Cela dit, vous révélez le visage de la veuve de Jean-Paul II. Oui, alors Madame II, oui, on se rend compte qu'il y a un air de famille, et puis après on dit oui, c'est la femme de Jean-Paul. Donc à l'occasion d'un dîner chez Madame Arafat, on découvre le visage, de la première dame de Corée du Nord, qui voilà. Précise qu'au niveau du régime Bascalori, la Corée du Nord est très en avance sur les États-Unis. Madame Chirac demande à Madame Bellanen si elle est libre pour une opération pièce jaune un lundi. Et alors, j'aimerais quand même que vous décriviez, pour revenir à lui, la femme de José Bové. Oui, Madame José Bové, c'est un dîner de filles, c'est assez à la mode. Et donc, Madame Bellanen arrive vraiment après être devenue une coqueluche du monde parisien, parce que son livre fait un tabac, reçoit le prix Femina. On dit, c'est la nouvelle Bridget Jones. Donc, elle est invitée là. Et puis, donc à table, il y a toutes sortes de gens, dont Madame José Bové, qui ressemble en tout point à José Bové, avec les cheveux un petit peu plus longs, la moustache en moins, mais qui a aussi les mêmes attributs. Sa chemise à carreaux, une pipe qu'elle ne quitte jamais. Et elle, pour être chacun, a amené quelques petites choses pour le dîner. Elle a amené des confitures au Roquefort confectionnées à la maison, ce qui ravit Madame Arafat. Elle parle de l'intifada à Madame Arafat, qui lui répond, c'est une marque de chaussures italienne. Je voulais aussi préciser, par exemple, que à l'occasion de leur intervention aux terroristes, les Américains cherchent un nom de baptême, évidemment, pour leur opération. Alors, il y a un tableau où sont écrits plusieurs noms. Tempête du désert s'est barrée, parce que ça a déjà été fait. Liberté immuable. L'Empire contre-attaque, opération comme un ouragan ou opération pièce jaune.